Salut, salut, salut, salut. C'est le dimanche, c'est donc 21h à peu près. Lost in Space, comme d'habitude, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées qui attaquent immédiatement avec les Poblers United. Vous verrez, aujourd'hui, on aura plein, plein, plein de concerts. Mais de tout ça, je vous en reparlerai après. Du punk scandinave pour commencer donc avec les Poblers United qui vont chanter Stormenkommer. Cause the host got paid. Guaranteed island for a small outlay. We're in the right mind. Yeah. Red Delicious à l'instant sur le 100FM, Lost in Space, Radioactive, et c'est l'heure du premier live de la soirée. On retrouve un de mes groupes favoris des années 90, Pavement, groupe un peu, on va dire, de pop bizarre, lo-fi, à la mode, qui ont été en presque en même temps d'ailleurs que le grunge, mais un élément complètement différent. Et on les retrouve ici, en Géorgie, en 1994. Alors le son est des fois peut-être un peu limite, j'en suis désolé, mais vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Super groupe, que des grands tubes, et c'est parti. Stay away.

Cesare. Thank you. Do you need a reason? Is this a season from which to come out of the spring? I'll wait all summer long, and then the winter's long, and then it's longer than afterwards. I'm the timekeeper, I think I'll get you look cuter, and baby, you will look a little cuter day by day. A trademark for you, son, you better look around. Treat it like a window, not a gun wall. You get too far. But I Les Payments, c'est fini en concert sur Lost in Space, au 100 FM Radioactive. On continue en musique avec un morceau flamenco punk. Oui, oui, ça existe, des Descendants. Le morceau s'appelle Impressions. Walking through on the face where I'd throw. Clash City Rockers à l'instant sur le 100 FM Radioactive. On continue avec le deuxième live de la soirée. Les Red Hot Chili Peppers que l'on retrouve le 7 avril 2007, très exactement, à Adélaïde en Australie, pour une bonne partie de concert, vous allez voir, on va en avoir une petite dizaine de morceaux. Allez, ça commence avec Throw Away Your Television, ce qui est le morceau de circonstance pour ce soir, c'est-à-dire virez votre télévision. Ne faites pas comme la plupart des gens qui passent leur dimanche soir à regarder le film de la Une ou d'autres conneries ailleurs, écoutez plutôt la radio. Oh,

Thank you.

Thank you. Hump the Bump des Red Hot Chili Peppers pour clôturer ce live enregistré en 2007. On continue en musique sur le 100 FM Radioactive avec Guttermouth et Joy Division pour faire une petite pause avant de retourner au live suivant. Une vraie ambiance de festival rock en ce Tristé, sombre et froid dimanche soir de février, comme si vous étiez en plein été et que vous allez voir plein de concerts. Donc, on a eu Pavement, les Red Hot Chili Peppers, une petite transition avec This Day, Joy Division 1980, qui nous permet de retrouver un groupe de la même époque en concert, les Buzzcocks, maintenant qu'on a failli voir il y a quelques années au Festival Rockorama. Je ne m'en suis toujours pas remis, le festival ayant été annulé cette année-là pour des raisons financières indépendantes de la volonté des organisateurs, comme on pourrait dire. En gros, c'était la faute du CG. Mais peu importe, les Buzzcocks, on les retrouve aujourd'hui avec un concert enregistré le 8 mai 2003. Et vous allez voir, les Buzzcocks, c'est toujours la vraie classe du punk original anglais de 76 qui n'a pas pris une ride. One, two.